sœur, tu as tout à tout. Et pourtant, tu as tout à tout, tout plein d'écailles, ta langue est comme une paille. Tu as tout à tout, et pourtant, tu voudrais être un serpent, un ours blanc, un éléphant, un divan. Tu voudrais être un orang-outan, un moulin à vent. Tu as tout à tout, une queue, des pattes, un nez, une carapace. Tu as tout à tout, tu es toi. Tu as tout à tout, tout plein d'écailles, ta langue est comme une paille. Tu as tout à tout, je t'aime comme ça.